Dans un zoo, un enfant et un vieux loup se fixent, œil dans l'œil. Toute la vie du loup défile au fond de son œil. Une vie sauvage en Alaska, une espèce menacée par l'homme. L'œil de l'enfant raconte la vie d'un petit Africain qui a parcouru toute l'Afrique pour survivre et qui possède un don précieux, celui de conter des histoires qui font rire et rêver. Depuis 2 ans, Afrique, le petit garçon, garde le troupeau du roi des chèvres avec l'aide de son ami le guépard et de l'hyène ricanante. Voici la fin de cette histoire envoûtante, l'œil du loup. Cela se passa une nuit. Afrique racontée. Les animaux écoutaient. Soudain, le guépard siffla. Chut ! Venu de très loin, on entendit le rire de l'hyène. Mais un rire inhabituel, un rire furieux. Il se passe quelque chose avec les colombes d'Abyssinie. Le guépard sauta sur ses pattes. J'y vais, berger. Rejoins-moi là-bas avec le troupeau. Puis, juste avant de disparaître... Je t'avais bien dit de ne pas faire confiance à ça. Au petit matin, lorsque Afrique atteignit le buisson d'épineux, son cœur cessa de battre. Le buisson était vide. L'hyène avait disparu. Le guépard aussi. Tout autour, des traces de lutte. Et personne ne savait rien, évidemment. Le roi des chèvres faillit mourir. Ma colombe d'Abyssinie, la plus belle, la plus gracieuse, la perle de mes yeux, la plus rare. Voilà ce que c'est que de fréquenter les guépards. Il me rendra manger. Maudit berger, je te chasse, toi et tes idées de buissons épineux. Va-t'en, disparais avant que je ne t'étrangle. Rester en Afrique grise? Impossible, trop triste. Retrouver l'Afrique jaune? Sans casserole? Non. Le garçon repensa au gorille gris des savanes. L'Afrique verte. J'ai un cousin là-bas. Et comment paieras-tu ton voyage? Lui avait demandé le chauffeur. Je nettoierai ton camion, avait répondu Afrique. Pas besoin d'être nettoyé, c'est le moteur qui compte. Je préparerai tes repas? Il est tout prêt, mon repas. Le chauffeur avait montré une provision de galettes noires et de fromage blanc. Je te raconterai des histoires. Bon, j'aime les histoires, et ça m'empêchera de dormir. Monte, si tu m'ennuies, je te jette par la fenêtre. Voilà, c'est ainsi qu'ils quittèrent l'Afrique grise. Pendant que le chauffeur conduisait, trop vite, Afrique racontait. Mais pendant qu'il racontait, il pensait à autre chose. Qu'était-il arrivé à la petite chèvre, au guépard et à l'hyène? Est-ce que je vais perdre tous mes amis, les uns après les autres? Est-ce que je porte malheur? Le soleil se levait et se couchait. Triste voyage. Long voyage. Très long. Très chaud. Très plat. Le camion était une espèce de petit autobus dont toutes les tôles brinquebalaient. Il y monta d'autres passagers. Le chauffeur les faisait payer. Cher. J'ai un garçon qui raconte. Il en monta beaucoup, beaucoup trop. Afrique le dit au chauffeur. Tu es trop chargé, chauffeur, et tu conduis trop vite. Tais-toi et raconte. Afrique racontait, nuit et jour. La nuit, il voyait les yeux qu'il écoutait. Et un matin, un cri immense sortit de toutes les poitrines. Là-bas, tout au bout d'une mer de terre sèche et craquelée, apparut le moutonnement vert de la forêt tropicale. L'Afrique verte. Le gorille gris des savanes n'avait pas menti. Tout le monde se mit aux fenêtres en hurlant de joie. Le chauffeur accéléra encore. Ils pénétrèrent à toute allure dans la forêt. Et bien sûr, dans un virage bordé d'immenses fougères, le petit autobus quitta la piste et se retourna. Grand vacarme de ferraille et de moteur fou. La dernière chose que vit Afrique, avant de s'évanouir, ce fut l'autobus, comme un vieux scarabée sur le dos, ses 4 roues tordues tournant dans le vide. Mabia, Mabia, il se réveille! Bien sûr qu'il se réveille, puisque c'est moi qui l'ai soigné. Tout de même, si vite, je n'aurais pas cru. Mabia, vieille chose, depuis combien de temps je soigne? Depuis que tu es toute petite, il y a bien 50 ans. Combien n'ont pas guéri, Pabia, tu peux me le dire? Aucun, ils ont tous guéri. Chaque fois, c'est un vrai miracle. Pas un miracle, non. La bonne main de Mabia. Tout de même, celui-ci, j'ai bien cru qu'il allait mourir. Pauvre vieille chose, celui-ci est plus solide que tous les autres. Il vivra 100 ans. Depuis un certain temps, Afrique, dans son sommeil, entendait ses chuchotements accompagnés de petits rires. Il ouvrit les yeux. Mabia, il ouvre les yeux. Je vois bien qu'il ouvre les yeux. Donne le lait de coco. Afrique but le lait, un liquide frais, velouté, sucré, un peu acide. Il l'aima. On dirait bien qu'il l'aime. Pabia, je vois bien qu'il aime. Il a vidé la noix. Afrique se rendormit. Quand il se réveilla la seconde fois, la maison était vide. Pourtant, il entendit une voix qui lui disait « Salut, toi !» Une petite voix métallique et nasale qui sortait d'un oiseau bizarre, bleu pâle à queue rouge, avec un bec à casser les noix. L'oiseau était perché sur une jarre de terre. « Salut !» répondit Afrique. « Qui es-tu ? » « Moi, je suis perroquet. Et toi ?»« J'étais berger. » J'ai aussi été marchand. Enfin, presque. Tiens, fit le perroquet. Comme pas bien. Et tu finiras probablement comme lui dans l'agriculture. Je peux sortir? Demanda Afrique. Si tu tiens sur tes jambes, qu'est-ce qui t'en empêche? Afrique se leva avec précaution. Inutile, il était guéri. Comme si toute cette vie qu'il avait perdue à cause de l'accident était revenue en lui pendant son sommeil. Alors, il poussa un cri de joie et sortit de la maison en courant. Mais son cri se transforma en hurlement de terreur. La maison était haut perchée sur des pilotis. Il venait de se précipiter dans le vide. Afrique ferma les yeux et attendit le choc. Mais il se passa autre chose. Deux énormes bras, d'une force incroyable, l'attrapèrent au vol et il se sentit écrasé contre une poitrine aussi large, velue et rembourrée que le grand lit du roi des chèvres. Puis il y eut un éclat de rire si puissant que tous les oiseaux de la forêt s'envolèrent. Pabia, tu pourrais rire moins fort tout de même. Bon sang, à l'heure de la sieste, on n'a pas idée. Toute la forêt protestait. Mabia, ça y est, regarde, il est complètement guéri. Pabia brandissait Afrique à bout de bras, le montrant à une toute petite vieille bonne femme qui sortait de l'épaisseur des bois. Pas la peine de faire tout ce chahut, Pabia, je vois bien qu'il est guéri. Afrique ouvrit des yeux tout ronds. La vieille femme était suivie d'un gigantesque gorille au crâne pointu. Il portait une grosse provision de papayes roses qui sont le meilleur fruit et le meilleur remède. « Bizarre !» dit le gorille. « Papa Bia n'a jamais pu se mettre dans la tête que tu les guéris tous. »« Tais-toi, grosse bête !» répondit Mabia. « C'est pour me faire plaisir qu'il fait semblant de s'étonner. »« Ah bon ?» fit le gorille. La maison de Pabia et Mabia se dressait sur ses quatre pattes au beau milieu d'une clairière d'un vert absolument vert. « Pourquoi les pilotis ?» demanda Afrique. « Pour que les serpents ne nous rendent pas visite, mon petit. » Tout autour, c'était la muraille végétale de la forêt, si haute qu'on se serait cru au fond d'un puits de verdure. Pabia et Mabia soignèrent Afrique et le nourrirent. Ils ne lui posèrent aucune question, ils ne l'obligèrent pas à travailler. Le jour, ils s'occupaient de la clairière et des arbres. La nuit, ils discutaient. Ils avaient beaucoup vécu, ils connaissaient tous les hommes et tous les animaux de l'Afrique verte. Ils avaient des enfants et des cousins partout, dans les trois Afriques et dans l'autre monde. L'autre monde ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Pabia ouvrait la bouche pour répondre à la question qu'Afrique venait de poser quand un grand fracas de branches cassées et de feuilles froissées l'interrompit. Le bruit n'était pas tout proche, mais l'arbre qui venait de tomber était si grand que toute la forêt dut entendre sa chute. Puis il y eut un long silence et Pabia dit : L'autre monde ? Nous y serons peut-être bientôt dans l'autre monde. Tais-toi donc, dit Mabia. Ne va pas mettre des idées pareilles dans la tête de ce petit. Sans qu'il le lui ait demandé, Afrique s'était mise à aider Pabia et Mabia dans leur travail. Il allait avec eux récolter les fruits de la forêt et chaque samedi, tous les trois se rendaient au marché de la petite ville voisine. Pabia, qui était un bon marchand, vendait les fruits en criant très fort. On venait aussi consulter Mabia, qui guérissait presque tout pour trois fois rien. Mais le plus connu, très vite, ce fut Afrique. À peine les courses finies, tout le monde se rassemblait autour de lui. Il raconte bien, non ? N'est-ce pas qu'il raconte bien ? Pour ça, oui, il raconte bien. Et la tienne d'histoire, celle de ta vie, si tu nous la racontais ? Le jour où Pabia posa cette question, il pleuvait. Et quelle pluie ! Un temps à raconter sa vie. Pabia et Mabia écoutaient Afrique en hochant gravement la tête. « Alors, tu n'as pas de père ?» demanda Pabia quand Afrique eut fini de raconter. « Pas de père, non. »« Et pas de mère, hein ?» demanda Mabia. « Non, pas de mère non plus, non. » Il y eut un silence embarrassé, car tous les trois venaient d'avoir la même idée en même temps. C'est ainsi qu'il devint Afrikandia, dernier enfant de Pa et Mabia, qui en avait eu 14 avant lui, aujourd'hui dispersé dans toutes les Afriques et sur toutes les terres de l'autre monde. Oui, mais les années passant, il tombait de plus en plus d'arbres. La forêt s'éclaircissait. Le front de Pabia se ridait. Ne t'inquiète pas, ça finira bien un jour. Pourtant, Mabia savait bien que ça ne finirait pas. À la saison des pluies, les arbres coupés étaient jetés dans les marigots, les rivières de l'Afrique verte, qui filaient vers la mer. Un jour qu'Afrique et le gorille, assis au bord de la rivière, regardaient passer les troncs décortiqués, le gorille eut un gros soupir. Il n'y en a plus pour bien longtemps. Histoire de lui changer les idées, Afrique demanda. Tu sais que tu as un cousin en Afrique grise ? Un petit gros au crâne plat dans la savane ? Oui, je sais ça. Répondit distraitement le gorille. Silence. Et dans le silence, le bruit régulier des haches. Mais enfin, ces arbres, où vont-ils ? Demanda Afrique. Le gorille continuait à regarder fixement la rivière. Où veux-tu qu'ils aillent ? Dans l'autre monde, pardi. Et il ajouta comme pour lui-même. Bon sang, il faut que je prenne une décision. Il n'y a pas à dire. Il faut que je me décide. Moi aussi, fit une drôle de voix tout près d'eux. C'était un souffle profond et pâle, une voix presque muette. « Qu'est-ce que ça peut te faire, à toi ?» demanda le gorille. « Tu ne vis pas dans les arbres ?»« Justement, expliqua le crocodile, je vis dans l'eau. Mais dans mon eau, maintenant, il y a des arbres. » Pabia aussi prit une décision. « Allez, dit-il. On s'en va. Pourquoi ?» demanda Afrique. Pabia le conduisit à la lisière de la forêt, lui montra cette étendue de terre sèche et craquelée qu'Afrique avait traversée en camion, des nuits et des jours interminables. « Voilà, dit Pabia. Il n'y a pas si longtemps, la forêt s'étendait jusqu'à l'horizon. Aujourd'hui, on a coupé tous les arbres, et quand il n'y a plus d'arbres, il ne pleut plus. Tu vois, rien ne pousse. La terre est si dure que le chien ne peut même plus y enterrer son os. » Tout à coup, Pabia pointa son doigt devant lui. « Regarde !» Afrique suivit le doigt et vit une petite chose noire, luisante et furieuse, qui avançait obstinément vers la forêt en brandissant un couteau recourbé au-dessus de sa tête. « Même le scorpion noir ne supporte pas cette sécheresse !» Pabia se tut. Un souffle d'air brûlant souleva un nuage de poussière. « Voilà ce que va devenir notre clairière. » Il avait les lèvres sèches. « Allez, dit Pabia. On s'en va. » C'est ainsi que Pabia, Mabia et leur fils Afrique arrivèrent ici, chez nous, dans l'autre monde. Ils avaient un cousin dans notre ville. Le cousin ouvrit le journal et aida Pabia à chercher du travail. Pabia aurait fait n'importe quoi, mais le journal disait qu'il n'y avait presque rien à faire. « Ne t'inquiète pas, disait Mabia, on trouvera bien quelque chose. » Et un jour, en effet, le cousin trouva. « Là !» dit-il en entourant au stylo-bi une petite annonce sur le journal. « Voilà ce qu'il te faut !» Et Pabia fut engagé par le zoo municipal, section entretien de la serre tropicale. « C'est quoi la serre tropicale ?» avait-il demandé. « Une espèce de cage en verre où ils enferment les arbres de chez nous !» avait répondu le cousin. Les arbres étaient presque morts. Pabia les ressuscita. Afrique se souviendra toute sa vie du jour où il pénétra dans le jardin zoologique. Il n'avait aucune idée de ce que cela pouvait bien être. Un jardin d'animaux, avait dit Mabia. Afrique ne voyait pas trop comment on pouvait planter des animaux dans un jardin. De plus, il était triste. Il regrettait la clairière et l'Afrique verte. Il se sentait comme en prison entre les murs de notre ville. Et si seul, si seul. Mais à peine eut-il franchi le porche de fer du jardin zoologique qu'une voix familière l'arrêta. « Salut, puceron. Alors, tu as fini par me retrouver ? Ça ne m'étonne pas de toi. » Pendant quelques secondes, Afrique ne put dire un mot. C'était trop beau. Il refusait d'en croire ses yeux et ses oreilles. « Casserole ! » Oui, le dromadaire était là, devant lui, debout sur ses quatre pattes au beau milieu d'un enclos cerclé de grillages. « Casserole, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Comme tu vois, je t'attendais. Je n'ai pas fait un pas depuis que toi m'as vendu. »« Pas un pas ?»« Comme je te l'avais promis, tout le monde a essayé de me faire marcher, mais rien à faire. Je n'ai pas mis un pied devant l'autre depuis que nous sommes séparés. » Afrique, dont le cœur s'était presque arrêté de battre, n'arrivait toujours pas à y croire. « Mais enfin, comment as-tu fait pour arriver jusqu'ici ?» Casserole eut son petit rire intérieur. Que veux-tu qu'un acheteur fasse d'un chameau paralytique ? Afrique sursauta. Tu aurais pu te faire abattre ? Mais non, voyons. Mon acheteur a préféré me revendre. À qui ? Quelle importance ? À un autre acheteur qui m'a revendu à son tour. Et alors ? Et alors, d'acheteur en acheteur, j'ai fini par tomber sur le fournisseur du zoo. Lui, un dromadaire immobile, c'est exactement ce qu'il cherchait. Il m'a payé très cher. Autre petit rire intérieur. J'ai beaucoup voyagé pour arriver jusqu'ici, en bateau, en train, en camion et même en grue. C'est avec une grue qu'ils m'ont déposé au milieu de l'enclos. Pas un seul, pas sans toi, puceron. Je n'en ai pas fait un seul. Je vais pleurer, se dit Afrique. Ça y est, je vais pleurer. Mais maintenant, je vais pouvoir me dégourdir les pattes, s'écria Casserole. Et il se mit soudain à sauter sur place, à galoper à toute allure le long de son grillage. Puis il se roula dans la poussière et, en équilibre sur sa bosse, se fit tourner comme une toupie, les pattes en l'air, hurlant de rire. De cage en cage, le fou rire se propagea à tous les animaux et gagna Afrique à son tour. L'animal qui riait le plus fort s'écria « Hé, le droma, tu te prends pour une colombe d'Abyssinie ou quoi ?»« Ce rire, » pensa Afrique. « Je connais ce rire-là. » À 10 mètres de lui, derrière de gros barreaux de fer, l'hyène de l'Afrique grise riait plus fort que tout le monde. Puis, s'adressant à l'animal de la cage voisine, elle dit « Et alors les larmes, tu ne ris pas ? Regarde le droma. » « Pas le temps de m'amuser, » fit une voix qu'Afrique reconnut instantanément. « Je suis le berger, moi. Je surveille la chèvre. » Et la voix, qu'elle était triste, ajouta « D'ailleurs, si tu ne l'avais mieux surveillée, toi-même, on ne serait pas là. »« J'ai fait tout ce que j'ai pu, » protesta l'hyène. « Tu n'es pas meilleur berger que moi. » Afrique, qui était accourue sur les lieux de la dispute, s'arrêta pile, respira profondément et murmura « Bonjour, Guépard. C'est toi qu'elle appelle les larmes. Ne sois plus triste. Je suis là maintenant. » « Bonjour, berger. Je ne suis pas triste, je suis un peu fatigué. C'est que j'ai surveillé la colombe jour et nuit depuis que les chasseurs de bêtes vives les ont capturées. Elle et ça. » Afrique sourit à l'hyène qui prit un air embarrassé. « J'ai fait ce que j'ai pu, Afrique, je t'assure, mais ils m'ont tendu un piège à viande. Tu me connais, difficile de résister. »« Moi, » fit dit le guépard. « Je me suis fait prendre exprès pour ne pas abandonner la colombe. Regarde-la, elle est belle, non ?» D'un mouvement de tête, le guépard montra un enclos à 10 mètres de là, où la colombe d'Abyssinie caracolait joyeusement en l'honneur d'Afrique. « Je ne l'ai pas quitté des yeux une seconde, » répéta le guépard. « Jour et nuit. Enfin, tu es là, maintenant, je vais pouvoir me reposer. » Et il s'endormit aussitôt. Tous, Afrique les retrouva tous dans le jardin zoologique de l'autre monde. Le gorille gris des savanes et son cousin des forêts. « Qu'est-ce que tu veux ? Ils ont emmené mes arbres. J'ai décidé de me faire prendre aussi. Mais regarde comme ils sont. Ils ont mis mes arbres dans une cage et moi dans une autre. » le vieux lion de l'Afrique grise, le crocodile des marigots, le perroquet bleu à queue rouge, et, brandissant son poignard derrière la vitre lumineuse d'un aquarium, le furieux petit scorpion noir qui fuyait la sécheresse. Même Toa le marchand. Il vendait des glaces maintenant. Mais il était toujours le même. Il s'en mêlait les doigts dans la barbe à papa et y passait son temps à jurer. Ah, l'autre monde! Tu parles d'un autre monde? Oui, Afrique les connaissait tous, les habitants du jardin zoologique. Tous, sauf un. Tous, sauf moi, hein? On est au printemps maintenant. Le loup et le garçon sont toujours l'un en face de l'autre. Oui, loup bleu, et tu me paraissais si triste, si seul. Drôle de garçon, se dit le loup. Drôle d'homme. Je me demande ce que Flamme Noire en aurait pensé. Mais ce que le loup voit dans l'œil du garçon maintenant est encore plus surprenant que tout le reste. C'est le soir. Pabia et Mabia sont debout dans leur cuisine. Afrique est assis en face d'eux sur un tabouret. Une ampoule jaune pend du plafond. Mabia est penchée sur la tête du garçon qu'elle tient dans ses deux mains. Le garçon n'a qu'un œil. L'autre est fermé depuis des mois. Même le matin, lorsqu'il se réveille, Afrique n'ouvre qu'un œil. Mabia hoche tristement la tête. « Non, murmure-t-elle, je ne crois pas que je le guérirai. Pas cette fois-ci. » Pabia renifle et gratte son menton qu'il n'a pas rasé. « On pourrait peut-être essayer le docteur. » On essaya. Le docteur ordonna des gouttes. Les cils d'Afrique en étaient tout poisseux. On aurait dit qu'il pleurait du matin au soir. Mais l'œil ne se rouvrait pas. On retourna chez le docteur. C'était un docteur honnête. « Je n'y comprends rien, » dit-il. « Moi non plus, » répondit Mabia. « Moi, je comprends très bien, » pense le loup. Mabia, penchée sur le garçon, dans la cuisine, et Pabia, qui n'endort plus la nuit, loup bleu est désolé. Et ce garçon qui continue de le regarder avec son œil unique. Loup bleu hoche plusieurs fois la tête et finit par demander. « Comment as-tu deviné ?» Silence. Rien qu'un léger sourire sur les lèvres du garçon. « tout de même, je m'étais bien juré de le garder fermé cet œil. » La vérité, c'est que derrière sa paupière close, l'œil du loup est guéri depuis longtemps. Mais ce zoo, ces animaux si tristes, ces visiteurs... « Bof !» s'était dit le loup. Un seul œil suffit largement pour voir ça. Oui, loup bleu, mais maintenant, je suis là. C'est vrai. Maintenant, il y a ce garçon. Aux animaux d'Afrique, il a raconté le Grand Nord. À loup bleu, il a raconté les trois Afriques. Et tous se sont mis à rêver, même quand ils ne dorment pas. Loup bleu regarde, pour la première fois, par-dessus l'épaule du garçon, et il voit. Il voit nettement Payette et le guépard faire les fous au milieu du zoo dans la poudre d'or du Sahara. Perdri les rejoint bientôt, et les rouquins aussi qui se mettent à danser autour du dromadaire toupie. Pabia ouvre les portes de la serre, les beaux arbres de l'Afrique verte envahissent les allées. Sur la plus haute branche, sentinelle, cousin gris et gorille des forêts sont assis l'un à côté de l'autre. Et les visiteurs qui ne remarquent rien. Et le directeur du zoo qui continue sa ronde. Et Toa le marchand qui court à toute allure, poursuivi par le scorpion furieux. Et les enfants qui se demandent pourquoi l'hyène rit si fort. Et Flamme Noire qui vient s'asseoir à côté du garçon, en face de loup bleu. Et la neige qui tombe sur tout cela, en plein printemps. La belle neige muette de l'Alaska qui recouvre tout et garde les secrets. Évidemment, pense loup bleu. Évidemment, c'est tentant. Ça mérite d'être vu avec les deux yeux. Clic, fait la paupière du loup en s'ouvrant. Clic, fait la paupière du garçon. « Je n'y comprends rien, » dira le vétérinaire. « Moi non plus, » dira le docteur. Voilà, l'œil du loup, c'est terminé. C'était une histoire de Daniel Pénac, publiée aux éditions Pocket Jeunesse. Si vous avez manqué un épisode, vous pouvez réécouter l'histoire entière sur le site rph.org quand vous voulez. Un grand merci à Grégory qui a prêté sa voix aux différents personnages masculins du récit. Et n'hésitez pas à nous réécouter dimanche, 9h15. Et on se retrouve mercredi prochain. Avec une histoire de gentil petit diable. À la semaine prochaine.